Chapitre 4. Cependant, le commodore soufflait, trahissait d'imperceptibles signes d'angoisse. Il espaçait ses bouchées de fréquentes rasades, comme pour balayer les voies obstruées. Sa face se constellait d'escarboucles. Bisson, le teint simplement fleuri, respirait la satisfaction d'un absolu bien-être. Il dévisageait l'anglais d'un petit œil aigu, analysant les symptômes d'une indigestion prochaine. Le commodore se décida. « 1000 excuses !» Et ses doigts dégrafèrent la vitre trop tendue aux boutonnières prêtes à se rompre. L'air tomba sur sa poitrine comme dans un gouffre. « À votre aise, my lord !» répondit aimablement Bisson. Et comme la pile d'asperges de son rival n'était qu'entamée, il demanda gracieusement « Vous permettez ?» Puis, en surplus de sa part, il engloutit les quelques douzaines rebutées par Turkney. Un fourmillement rouge croula sur la table, une grosse décrevisse en buisson. L'œil égayé du général compara leur couleur à l'uniforme cramoisi, à la figure congestionnée de son hôte. Ensuite, son regard rencontra celui de Daubenton. L'hilarité contenue de son aide-de-camp procura Bisson le plaisir d'une jouissance partagée. Alors les pâtisseries couvrirent la table. Dômes de gâteaux de Savoie, couronnes de bavage juteux de Rome, coupoles de meringues rosées, palais de nougat polychrome, échafaudages ruisselants de caramel, incrustés de fruits glacés, peuplèrent la nappe de leur couleur chatoyante. « Du champagne !» commanda Bisson. Et la mousqueterie des bouchons crépita, tumultueuse. Dans le vin pétillant, l'anglais cherchait à retremper son appétit défailli. Il entonna coup sur coup plusieurs coupes, se leva, poussa les premières notes du Rule Britannia, puis retomba lourdement sur sa chaise. Alors il cassa un goulot, remplit un verre énorme, le vida d'un trait. En vain. Le liquide ne déblayait pas la route, n'entraînait pas les aliments empilés dans son vaste coffre, et envahi par l'ivresse, la tête congestionnée fumait. Le dessert était servi. Le général tranchait en deux un fromage de Hollande ponçu. Il en offrit délicatement la moitié à son convive. D'un effort, les dents du commodore s'implantèrent dans la chair saumonée. La première bouchée passa dans une déglutition lente, mais la seconde se révolta. Il frappa sa poitrine trop bondée, son teint se fronça, telle une cerise mûre, un spasme le gonfla, avide d'air, son ventre se tordit en outre-pleine. Un hoquet expira sur ses lèvres et soudain, il battit des bras, s'affaissa, glissa sur le sol. Il était mort à la peine, vaincu. En hâte, son escorte l'avait relevé, l'emportait pesamment. Debout, front découvert, Bisson prononça l'oraison funèbre. « Honneur au courage malheureux !» Puis il commanda « Au champ !» Quand les batteries se turent, le canon anglais accostait le Revenge, dont le pavillon pendait en berne. Gravement, le gouverneur d'Orbitello s'était rassis. Il renoua sa serviette sous le menton et, tourné vers le maître d'hôtel, tonna « La suite !» C'était le duel par Georges de Lys.